pense passer pour améliorer le lendemain. Je repense au passé pour améliorer le lendemain. Je repense au passé pour améliorer le lendemain. Ne me dis pas comment faire, j'ai déjà nettoyé l'engin. Devant l'OPJ, faut se taire, 6h et mon pété à jeun. Ne me dis pas comment faire, j'encaisse billets, j'fais pas l'ancien. J'connais multimillionnaires, tu les vois, tu les crois en chien. Dans les hauts et les bas, le bénéfice et les pertes. J'sais pas si tu me suivras dans les ronces, les défaites. Dans les hauts et les bas, le bénéfice et les pertes. J'sais pas si tu me suivras dans les ronces, les défaites. On s'en tourne à la radio. Elle est loin, les beaucoup j'vends des lotes chi en la mer. On s'en tourne à la radio. Tous les jours en bas du bloc, j'avais la vue sur la mer. On s'en tourne. J'repense à quand y'avait l'air, à moi les gars français. On s'en tourne à la radio. J'peux remercier que le très haut de m'avoir ouvert une porte. J'ai pris la fuite en courant, y'a les keufs dans le rétro. J'suis cramé dans le périmètre. Crew RS4, j'ai dans bas, ça remonte du béto. Ça envoie dans le périmètre. Le big raveur m'attend, j'suis obligé de me lever tôt. J'fais un tour du périmètre. Personne va réparer pour toi ce que t'as cassé comme peau. T'es banni du périmètre. Tant d'années, j'me disais qu'il fallait que j'y arrive. Tant d'années, j'me disais qu'il fallait qu'il y arrive. On s'en tourne à la radio. Tous les jours en bas du bloc, j'avais la vue sur la mer. On s'en tourne. Je repense à quand y'avait à moi les gars français. On s'en tourne à la radio. Je peux remercier que le très haut de m'avoir ouvert une porte. Je repense au passé pour améliorer le lendemain. Je repense au passé pour améliorer le lendemain. Je repense au passé pour améliorer l'homme. Je repense au passé pour améliorer.